إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 22 dans l'explication de Sharh Masail al-Jahiliya. Et c'est le Sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Aujourd'hui on est arrivé au point numéro 56 dans l'explication. Naam. Au point numéro 56 dans Sharh Masail al-Jahiliya. Et. Ça s'entend pas bien? Ok. Le titre de ce point c'est. تسميتهم التوحيد شركا le fait qu'ils nomment le tawhid shirk ils appellent le tawhid shirk pour eux le tawhid c'est du shirk et le shirk c'est le tawhid ils ont renversé la religion au complet à l'envers donc le cheikh il explique il dit donc dans ce point numéro 56 تسميتهم اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآية donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit le fait qu'il nomme le fait de suivre l'islam comme étant shirk ils appellent ça du shirk et comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 79 dans surat Ali Imran lorsqu'il dit il n'appartient pas à un être humain à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le livre, la sagesse et la prophétie. Puis ensuite qu'ils disent aux hommes, soyez des adorateurs, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Donc ça c'est pas correct, un prophète ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui a reçu la révélation ou le livre et puis qui dit ça aux hommes, ça c'est pas possible. Alors le Cheikh Al-Fawzan lui explique, il dit « Min masa'ili ahli al-jahiliya » تسميتهم التوحيد واتباع الحق شركا وهذا من قلب الحقائق وهذا من قلب الحقائق أن يسمى التوحيد شركا وهذا لانتكاس الفطر وهذا لانتكاس الفطر وهذه الآية نزلت في وفد نجران من النصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضون معه عليه الصلاة والسلام فدخلوا عليه في المسجد وأخذوا يتفاوضون معه فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الدخول في الإسلام وبين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبين لهم أن الأنبياء جميعا أخذ عليهم الميثاق لأن لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي ليتبعنه قال واحد منهم أتريد يا محمد أن نعبدك ثم اتباع الحق شركا وعبادة للرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله تعالى ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لأن الأنبياء جاءوا بالتوحيد ولم يجيئوا بالشرك وما جاءوا بدعوة الناس إلى عبادتهم حاشا وكلا بل جاءوا بإنكار ذلك ولكن هؤلاء من تعصبهم قالوا هذه المقالة فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم Donc le cheikh explique que parmi les points de la jahiliya, il y a le fait que ces gens-là nomment le tawhid, hein, et ils nomment le fait de suivre la vérité, shirk. Ils appellent ça shirk. Et ça, c'est, ça fait partie de renverser les, la réalité, de changer la réalité des choses, hein. Et donc, ils appellent le tawhid shirk. Et ça, ça montre que leur nature, elle a été corrompue, elle a été déformée. Elle n'est pas telle qu'elle, a, qu'elle était dans sa pureté. Donc ça, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset, le verset 79, dans surat Al-Imran. Et si vous retournez à surat Al-Imran, vous remarquez qu'il y a beaucoup de discussions à propos des chrétiens, à propos des juifs, à propos des gens du livre en général, parce que c'est une surat qui est descendue vers la fin de l'islam, avant la fin de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a beaucoup de réfutations des gens du livre dedans. Et donc, ce verset-là en particulier, il a été révélé au sujet de la délégation des chrétiens de Najran qui sont venus à Médine pour rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils sont venus pour discuter avec lui, pour débattre avec lui, alayhi salatu wa salam. Donc ils sont rentrés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, ils ont commencé à discuter avec eux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a invités à accepter l'islam et à se convertir. Et il leur a clarifié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a clarifié et leur a expliqué que tous les prophètes ont pris une entente, un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, que si Allah subhanahu wa ta'ala faisait venir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que l'un d'entre eux était vivant, qu'il devait le suivre et qu'il devait yani lui obéir. Donc, un parmi les chrétiens qui était là dans la, dans la délégation a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Muhammad, est-ce que tu veux qu'on t'adore? Est-ce que tu veux qu'on t'adore, toi, qu'on commence à t'adorer ?» Alors, le cheikh Al-Fawzan, il dit, « Regardez comment ils ont nommé le fait de suivre la vérité, shirk. » Et ils ont considéré ça comme étant une adoration pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à partir de à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 79 dans surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il n'appartient pas à un être humain à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le livre, le jugement et la révélation, et qu'il dise par la suite aux hommes, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit, ça se peut pas qu'un prophète vienne et qu'il dise aux hommes, adorez-moi, puisque le messager, c'est ça qu'il est venu combattre à la base. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il est venu pour établir le tawhid et pour enrayer le shirk. Donc il n'est pas venu lui-même pour appeler au shirk et pour dire aux gens, adorez-moi. Hein? Il est venu en fait pour dire aux hommes, hein, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'imaginer ou de prétendre que un homme, un prophète, Allah enverrait un homme aux êtres humains, un prophète, un messager aux êtres humains, et que ce prophète commencerait à dire aux gens, adorez-moi, ça c'est quelque chose qu'on peut même pas imaginer et qu'on peut même pas penser par rapport à ça, puisque ce serait une contradiction. Hein, ils sont venus pour condamner le shirk et pour condamner et dénoncer ce genre de comportement-là. Mais ceux-là, yani, étant donné qu'ils étaient accrochés, hein, et fanatiquement aveuglés par leur position, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre et révélé ce verset-là pour les réfuter, pour réfuter ce qu'ils disaient. Et on sait que c'est ce qu'ils ont fait eux-mêmes avec Isa alayhi salam. Hein. Le prophète Isa alayhi salam, il n'a jamais dit aux hommes, soyez mes adorateurs après, en dehors d'Allah, adorez-moi, priez-moi, hein, et des choses de ce genre. Non, il a dit au contraire aux hommes d'adorer Allah seul, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Mais malgré tout, ces gens-là ont persisté à vouloir le prendre comme une divinité et à lui offrir des formes d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, وما أشبه الليلة بالبارحة فهناك من يسمون الإخلاص العبادة لله كفرا وخروجا من الدين ويسمونه شركا ويقولون عبادة القبور هي التوحيد وهي الإسلام لأنها توسل بالصالحين ومحبة لهم وعندهم أن الذي لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستغيث به يكون مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ويكون جافيا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مثل قول نصارى نجران في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا امتداد لمذهب أهل الجاهلية وكل سمى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله والجهمية والمعتزلة سموا إثبات الصفات لله عز وجل شركا لشيخ الدي comme on voit, comme la nuit précédente ressemble à cette nuit. C'est une expression que les Arabes, comme cette nuit ressemble à la nuit précédente, c'est-à-dire que, on voit que il y a des choses qui se répètent, qui reviennent, qui sont pareilles. وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَ بِالْبَارِحَةِ Comme cette nuit ressemble à celle qui vient de passer. C'est pour dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, quand on les appelle à l'ikhlas et à rendre leur adoration pure pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, eux, ils appellent ça du kufr. Et ils appellent ça sortir de la religion. Ils considèrent que lorsqu'on dit aux gens de pas adorer les tombes, de pas prier les morts, eux, ils disent ça c'est du kufr. Et ils nous combattent parce qu'on interdit aux gens d'adorer les morts et d'adorer les tombes. Donc le cheikh il dit هناك من يسمون إخلاص العبادة لله كفرا وخروجا عن الدين ويسمون شركا ويقولون عبادة القبور هي التوحيد. Donc ils ont renversé la religion à l'envers. Ils disent d'adorer les tombes c'est ça le tawhid. Puis de ne pas les adorer, de ne pas adorer les tombes c'est kufr. Et ils disent d'adorer les tombes c'est ça l'islam. Parce que c'est de prendre un moyen en passant par les hommes pieux et en leur montrant de l'amour et des choses de ce genre pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils considèrent que celui qui n'adore pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'appelle pas au secours quand il est dans les moments de détresse, ils considèrent que celui-là, il n'a pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il le déteste. Ou qu'il a été, il a manqué dans les droits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est exactement pareil, comparable à l'exemple de ce que les chrétiens de Najran avaient dit, au sujet de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en considérant que c'était une adoration pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait donc, ça, on peut dire que cette jahiliya, c'est une forme de jahiliya, ou bien que ça découle de la voie et de la pratique des gens de la jahiliya qui nommaient le faux, la vérité ils l'appelaient fausseté et la fausseté ils l'appellent vérité. Donc ils mélangent les choses, ils mélangent le vrai et le faux ensemble. Wal'iyadu billah. C'est comme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La même chose. Qu'est-ce qui est bon ils l'appellent mauvais. Tout ce qui est ordonné par Allah, eux ils le considèrent comme étant mal, comme étant mauvais. Et tout ce qui est, alaykoum salam wa rahmatullah, et tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils le considèrent comme étant quelque chose de bon. La bid'a, ils disent que c'est la sunna. Et la sunna, ils disent que c'est la bid'a. Et le tawhid, ils disent que c'est le shirk. Et le shirk, ils disent que c'est le tawhid. Donc ils ont renversé toute la religion à l'envers. Le shaykh il dit, wal jahmiya wal mu'tazila. Donc les jahmiya, ceux qui nient les attributs et les noms d'Allah, et les mu'tazila, ceux qui affirment les noms, mais qui nient les attributs, ils ont nommé le fait d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qu'il s'est donné lui-même dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna, eux ils disent que ça c'est du shirk. Si tu dis je crois en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même dans le Coran et dans la Sunna, comme cela lui convient, et sans déformer le sens des attributs, et sans nier leur réalité, ils disent ça c'est du shirk. Pour eux le tawhid c'est quoi? C'est de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nier ses noms. Donc ça c'est l'exemple de cet exemple-là, c'est la même chose que qu'est-ce que les gens de la jahiliya, comme les chrétiens, faisaient à l'époque, avant, ou bien disons avant l'islam, ou bien après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certains d'entre eux refusaient d'accepter la vérité. Ensuite, le point numéro 60, al-mas'alatan, al-sabi'a wa al-thamina wa al-khamsoun. Donc il y a deux points maintenant qui sont mentionnés dans ce point-là, c'est le point 57 et 58 dans les masa'il de la jahiliya. Ça s'intitule al-tahrif wa lay al-alsina fi kitabillah. C'est-à-dire de déformer, de dénaturer, de déformer les textes et de tourner notre langue lorsqu'on récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit تحريف الكلمة عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب. Donc le Cheikh dit donc qu'il déforme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en la faisant sortir de son contexte et en tournant également leur langue lorsqu'ils récitent le livre. Ils ont une façon de tourner leur langue pour faire croire que qu'est-ce qu'il dit fait partie de la révélation d'Allah, alors que ça ne fait pas partie de la révélation d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans Surat al-Baqarah, يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. Donc c'est une façon qu'ils avaient de dire certaines choses, de prononcer certaines paroles en tournant leur langue pour faire croire aux gens que qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, ça fait partie de la parole d'Allah, alors que ça ne fait même pas partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a des fois même parmi les musulmans, tu les vois en train de prononcer certains hadiths ou certaines paroles pour faire croire aux gens que ça vient dans le Coran ou que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils changent leur façon de parler parce qu'ils disent ces paroles-là pour que les gens s'imaginent que c'est la parole d'Allah ou que c'est dans l'islam, alors que la réalité c'est que ça ne fait même pas partie du Coran et que c'est même pas un hadith, c'est même pas authentique. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça maintenant. Il dit تحريف الكلمة عن مواضعه وهو تغيير حروفه أو صرفه عن معناه فأهل الكتاب من حرفتهم الخبيثة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بتغيير ألفاظه وإما بتغيير معانيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتفسيره بغير تفسيره فكل من حرف كلام الله فإنه على مذهب أهل الجاهلية وكل أهل الباطل والمخالفين للإسلام من الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام تحرف النصوص لتوافق مقاصدها ومذاهبها سواء حرفوا الألفاظ أو حرفوا المعاني وفسروها بغير تفسيرها فهذا من ميراث أهل الجاهلية. Donc le Cheikh il dit que le fait de changer la parole de son contexte ou de déformer le sens des mots, ça c'est exactement dans le terme tahrif, il signifie ces deux choses-là. Il signifie soit de changer les mots ou bien de déformer le sens de ces mots-là, comme les gens du livre le faisaient. Et ils sont des maîtres dans ce domaine-là. Ils sont des maîtres dans ce domaine-là et ça fait partie de leurs caractéristiques les plus sales et les plus laides, qu'ils déforment la parole en dehors de son contexte, soit en changeant les mots eux-mêmes, ou soit en changeant la signification de ces mots-là, et en l'interprétant par autre que sa réelle interprétation. Donc, le Cheikh dit, toute personne qui déforme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il fait partie on peut dire qu'il est sur la voie des gens de la jahiliya. Et toute personne parmi les gens de la fausseté et les gens qui opposent l'islam, parmi les sectes d'égarement qui prétendent appartenir à l'islam, c'est ce qu'ils font avec les textes de l'islam. C'est-à-dire qu'ils déforment les textes du Coran et de la Sunna pour que ces textes-là soient en accord avec leur position et leurs paroles ou leurs opinions. Et ça, on le retrouve dans toutes les sectes de bid'a et dans tous les groupes d'égarement. Soit qu'ils déforment les textes eux-mêmes en essayant de les falsifier ou de les changer pour que ce soit en accord avec leurs intentions et avec leur secte, ou bien, peu importe s'ils sont en train de déformer le sens également, par exemple en l'interprétant par autre que sa réelle interprétation, donc tout ça, ça fait partie de l'héritage qu'ils ont eu des gens de la Jahiliya. Et ça, il y en a, on pourrait donner plein d'exemples de ça aujourd'hui, ce serait très facile, puisqu'il y en a plein d'exemples de ça, de tahrif, de la part des gens de Bid'ah. Et en particulier ceux qui parlent toujours du texte et du contexte, c'est eux les, toujours en train de dire, il faut comprendre le texte selon le contexte, et toi tu entends ça, tu penses qu'ils parlent du texte et du contexte, c'est-à-dire le contexte du texte, le contexte du verset. Hein? Le contexte du verset, ça veut dire qu'est-ce qui est cité devant et avant et après le verset. Hein? Donc le contexte du verset lui-même, ou le contexte dans lequel il a été révélé ce verset. Soit c'est un asbab nuzul, le contexte de la révélation, ou bien le contexte qui est clarifié et expliqué par la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, c'est pas ce qu'ils signifient là, quand ils parlent du texte et du contexte, ils parlent pas de ça. Ils parlent du contexte de la société. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par comprendre le texte selon le contexte? Si on veut, ça peut... C'est le terme qui est plus correct à utiliser dans la réalité, c'est l'ijtihad. C'est l'ijtihad, parce que de faire en sorte que on sache comment appliquer un texte spécifique dans un contexte nouveau, ou dans une situation nouvelle qui n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle faire une ijtihad. Et c'est pas n'importe qui peut faire l'ijtihad, c'est uniquement les ulama. Mais eux, ce qu'ils veulent dire dans la réalité, ça sort de la question d'ijtihad, et ça ne s'applique pas, c'est pas réellement l'ijtihad. Qu'est-ce qu'ils veulent dire eux, la réalité de ce qu'ils font? C'est pas l'ijtihad, puisque premièrement, ils n'ont pas la science nécessaire pour faire l'ijtihad, et deuxièmement, ils n'ont pas les outils nécessaires et la connaissance nécessaire, et non plus, bon, il y a aussi le fait que ce qu'ils prétendent être de l'ijtihad, c'est plutôt en fait qu'ils déforment le sens des versets pour que ce soit en accord avec qu'est-ce qu'ils veulent faire. Exactement. En plus, c'est pas des situations nouvelles qui se sont jamais produites, c'est des choses qui sont connues, qui existaient, et que les réponses à ces questions-là existent déjà dans le Coran et dans la Sunna, et ce sont des textes clairs et explicites, et il n'y a pas d'ijtihad avec un texte. Hein? Là, ijtihad, ma'anas, ça c'est connu dans les fondements de usul. Les ulama, ils disent toujours que du moment qu'il y a un texte explicite au sujet de quelque chose, il n'y a pas de possibilité de faire des ijtihad. D'accord? Et donc c'est exactement ça. Et donc si par exemple quelqu'un il dit bon on va aller vivre dans un contexte totalement contraire à l'islam, puis une fois arrivé dans ce contexte-là, on va essayer de tout faire pour essayer d'ajuster l'islam pour que ce soit en accord avec ce contexte. Ça c'est ridicule. Hein? Un musulman il fait pas ça. Un musulman il s'en va pas dans un contexte social où il sait que tout est contraire à l'islam. Il va dans un contexte social où il sait que les choses seront plus en accord avec l'islam, et là, une fois là-bas, s'il y a des choses qui sont contraires à l'islam, il va essayer de réformer la société et de changer le contexte social pour que ce soit en accord avec les règles de l'islam et les principes de l'islam, et non pas le contraire. Dans le sens que c'est pas le contexte, c'est pas le texte qu'on va changer pour que ce soit en accord avec le contexte, mais c'est le contraire. C'est qu'on va changer le contexte pour que le contexte soit en accord avec le texte. Hein? Et malheureusement, ces gens-là, ils ont un peu inversé les choses. Donc, le cheikh, il dit وَالْوَاجِبْ الْإِيمَانُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَتَحْرِيفٍ وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ سواء وافق هواك ورغبتك أو خالفهما. Le chef il dit que l'obligation c'est d'avoir l'iman, d'avoir la foi en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. C'est les mots qui ont été révélés et dans leur signification. Et d'appliquer et d'agir selon ce que ces mots et ces significations-là impliquent de notre part. Et sans faire de déformation ou de falsification ou de changement dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ce qui est obligatoire pour nous, et peu importe que ce soit en accord ou non avec tes désirs et tes passions. C'est-à-dire, tu dois accepter et te soumettre et suivre la révélation telle qu'elle est, peu importe que ce soit en accord avec tes désirs ou en contradiction avec tes désirs. Mais malheureusement, comme le cheikh il dit, c'est le contraire parfois qui se passe de la part des gens qui suivent des groupes et des sectes et des organisations qui sont établies sur autre que le Coran et la Sunna, malheureusement. Donc, le cheikh il dit « Wal'an, أصحاب المبادئ الخبيثة والمذاهب الباطلة يلوون أعناق النصوص الواردة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسرونها بغير تفسيرها إذا عجزوا عن ردها وتكذيبها وهذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية ومن طرائق اليهود والواجب على المؤمن أن يحترم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيؤمن بها فيؤمن بهما لفظا ومعنا على ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحرف النصوص عن معانيها ولا يغير الألفاظ عما جاءت بزيادة أو نقص أو دس للباطل. Donc, le cheikh il dit, c'est ça, que les gens qui suivent des fondements, qui sont des fondements sales, impurs, qui sont contraires à la vérité, des voies d'égarement, de fausseté, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, ceux qui suivent ces voies-là? Ils tordent le cou des textes, hein, qui sont mentionnés, qui sont authentiques, rapportés par du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon authentique. Et ils leur tordent le cou dans le sens qu'ils les déforment de leur sens réel et ils les interprètent autrement. Hein, ils les interprètent autrement. Et s'ils ne sont pas capables, ça c'est s'ils ne sont pas capables de les nier ou de les rejeter directement. Donc ils prennent cette méthode. Hein, ils ne peuvent pas dire comme, il y en a parmi les égarés clairs, ils renient les versets, ils renient les textes, clairement, directement, sans gêne. Ceux-là, c'est des égarés, c'est des kuffars, il n'y a pas de doute. Mais il y en a d'autres, hein, ils utilisent d'autres méthodes de ruse. Ils ne veulent pas rejeter les textes ouvertement parce qu'ils ont peur de le faire, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, clairement, directement. Donc, ils utilisent des ruses et ils disent, hein, ils interprètent les choses d'une autre manière. Ils interprètent les choses différemment pour que ce soit plus accepté facilement. Et puis, donc il faut faire attention à ces gens-là, il faut faire attention à ce genre de personnes-là, parce qu'ils suivent la voie des gens de la Jahiliya, ils suivent les méthodes des Juifs, parce que ça fait partie des méthodes des Juifs. Et il y a beaucoup de gens, comme je dis souvent, yani, ils sont en train de parler de la Palestine, et ils sont en train de parler, hein, de qu'est-ce qui se passe là-bas, qui est contraire à la justice, qui est contraire à tout ce qui est yani bien, et puis ils voient l'injustice là-bas, ils condamnent les actions de ces gens-là, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de suivre les mêmes voies qu'eux parfois dans leur méthode et dans leur façon de jouer avec la religion et de ne pas prendre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala au sérieux et de ne pas l'appliquer telle qu'elle. Hein. En particulier les groupes et les gens de bid'ah qui suivent les voies yani d'égarement, comme par exemple les frères musulmans ou d'autres groupes par exemple qui suivent ces tendances-là. Ils déforment la réalité de la parole d'Allah, ils jouent avec la religion, et donc ça c'est exactement les voies que les juifs ont enseignées. Donc comment tu condamnes des gens alors que tu fais la même chose qu'eux, hein? Tu condamnes les juifs et tu fais pire que les juifs, ça c'est pas correct. Hein? Et c'est comme il y en a un qui disait une fois, est-ce que quand le musulman il appelle à un égarement, Allah l'accepte, mais quand un non-arabe appelle à l'égarement ou un non-musulman appelle à l'égarement, on l'accepte pas, mais quand c'est un musulman qui appelle à l'égarement, on l'accepte? Ça c'est pas logique, c'est pas normal. Ça c'est des gens qui n'ont pas bien compris, ils pensent à la, de l'islam, de la religion de l'islam, de la même manière que les juifs. C'est-à-dire que les juifs, eux, ils s'imaginent que peu importe qu'est-ce qu'ils font, de bien ou de mal, certains d'entre eux, ils s'imaginent que ça y est, c'est bon, c'est correct. Et que Dieu les supporte et les aime, même quand ils font des choses qui sont contraires à la révélation. Maintenant, il y a des musulmans qui pensent de la même manière que ces gens-là. Ils s'imaginent que même s'ils contredisent l'islam, même s'ils ne respectent pas le Coran, même s'ils ne respectent pas la sunna, même s'ils ne vont pas suivre l'exemple des salaf salih dans la aqidah et dans la pratique de l'islam, et même s'ils font des bid'ah, ils pensent que Allah les aime quand même et va les supporter, va leur donner la victoire quand même. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié les conditions pour avoir la victoire, hein, et les règles à suivre, hein, pour avoir la victoire. Et que la victoire ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne pourra jamais sortir de nos problèmes, jamais sortir des difficultés qui existent dans la Ummah, sauf si on a suivi cet exemple qui vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on est revenu à une aqidah correcte, et qu'on suive les on respecte les conditions que Allah a établies pour la victoire. Donc le cheikh dit c'est obligatoire pour le croyant qu'il respecte le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il croit en ces deux bases, en ces deux fondements, dans leurs termes, dans leurs les mots qu'ils contiennent, dans les termes qui sont utilisés dans ces révélations-là, et en leur signification également. Et qu'il croit en ce que Allah et son messager ont mentionné, selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu, sans essayer de déformer les textes de leur signification réelle, et sans changer le sens de ces paroles-là, de ces mots-là qui sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, en ajoutant ou en enlevant quelque chose. Hein? Donc ça c'est un point très très important, puis la question de déformer la vérité, ça c'est quelque chose de très dangereux. C'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a mentionné parmi les caractéristiques des gens de la jahiliya. Le point numéro 59, talqibuhum ahl al-haq bil alqab al-munaffira. Ça fait partie des méthodes des gens de la jahiliya. C'est-à-dire qu'ils donnent aux gens qui suivent la vérité des sobriquets et des surnoms dans le but de faire fuir les gens d'eux. Hein? Et ça, c'est très très connu. Il y a plein d'exemples de ça. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit « تلقيب أهل الهدى والصواب بالصابئة والحشوية » Le fait qu'il nomme les gens qui suivent la guidance et qui sont sur la voie correcte, il les appelle par les termes « al-sabi'a » ou bien « al-hashawiyya ». Donc, le cheikh, il dit, cheikh al-Fawzan, il dit « min manahij ahl al-jahiliya, ihtiqaruhum li ahl al-huda, wa talqibuhum bil-alqab al-shani'at al-munafira, yaquluna sabi'a ». والصابي هو الخارج عن الدين فيسمون أهل الحق بالصابئة الخارجون عن الدين لأن الحق في عرفهم ما كان عليه الكفر ما كانوا عليه من الكفر والضلال فمن اتبع الرسول فهو صابئ أي خارج عن عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم ونظامهم وما وجدوا عليه آباؤهم ويسمونه حشويا من الحشو وهو الشيء الذي لا فائدة منه وحشو الكلام هو الكلام الذي ليس فيه فائدة. Donc le cheikh il dit que parmi les voies des gens de la jahiliya, c'est que pour dénigrer les gens de la vérité et les gens de la guidance, ils leur donnent des surnoms et des sobriquets qui sont laids et qui font fuir les gens. Ils disent par exemple As-Sabi'a, Sabi'a, ou à propos des gens qui suivent la vérité, ils l'appellent As-Sabi'. Ça veut dire celui qui est sorti de la religion. Ils appellent les gens de la vérité As-Sabi'a, c'est-à-dire ceux qui sont sortis de la religion, ceux qui sont sortis de la vérité. Pourquoi? Parce que pour eux, la vérité, c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont connu comme kufr et comme égarement, c'est ça pour eux la vérité. Donc si tu quittes ce qu'ils ont connu eux, alors ils te considèrent comme ayant sorti de la religion et sorti de la vérité. Donc celui qui suit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il le considère comme un sadiq, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti de leur coutume, qui est sorti de leur tradition, qui est sorti de leur madhab, qui est sorti de leur organisation, et qui est sorti de ce que ces gens-là pratiquaient, et ce qu'ils ont trouvé leurs ancêtres en train de pratiquer. Donc ils l'appellent sabi'un, ou bien ils l'appellent hashwi. Et hashawiyan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui est inutile, quelque chose qui n'a aucune utilité, qui n'a aucun bienfait dedans. Et hashul kalam, la parole quand on dit d'une parole qu'elle est hashu, ça veut dire c'est une parole qui sert à rien, inutile. La fa'ida tafi. Donc le cheikh dit wa yusammunahum sakhshiyin wa mutaakhirin wa jamidin ila ghayri dhalika min al-alfa. Et il les appelle également des gens qui sont sakhshiyin. Sakhshiyin, ça veut dire superficiel. Ils regardent les choses juste à la surface. Ils vont pas dans le fond des choses pour comprendre bien. Ou bien ce sont des gens retardés, ou des gens figés dans le, figés, allez. Jamidin, vous savez, ils sont figés, ils bougent pas, ils sont pris dans le passé. Hein? Ainsi que beaucoup d'autres, appellations. À notre époque actuelle, il y en a plein comme ça. Hein? Comme ils utilisent, par exemple, ils disent qu'on est des littéralistes. Hein? Ou bien ils disent qu'on est des intégristes, ou qu'on est des extrémistes, ou qu'on est des wahhabistes, hein, ou il y a d'autres noms qu'ils utilisent de cette manière pour essayer de faire fuir les gens, hein, pour leur faire peur. Et donc le cheikh dit walakin hadha la yadurru ahl al-haq, la yadurru ahl al-haq, fa yaqum nuh, fa qawm nuh qalu وما نراك اتبعك الا الذين الا الذين هم اراذلنا بادي الراي اي سطحيون ما عندهم تفكير اتبعوك على غير تفكير اما العقلاء والذين عندهم رزانه فلم يتبعوك donc le cheikh il dit mais tout ce que ces gens là disent à propos des gens de la vérité ça ne leur nuit en rien. Pourquoi? Parce que regardez le peuple de Noé. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de Noé dans Surat Hud, le verset 27? Et on en a parlé dans les cours passés. Ils ont dit à Nuh, alayhi salam, quand on regarde ceux qui t'ont suivi, on voit que ce sont seulement les plus vils d'entre vous. Hein? Arazilouna. C'est-à-dire les gens les plus vils, les plus bas d'entre vous. Badi al-ra'i. C'est-à-dire, sans même réfléchir, ils sont rentrés dans ta voix, dans ta religion. Ils n'ont même pas analysé les choses, réfléchi pour bien prendre une bonne décision. Hein. Et pour eux, donc, ce sont des gens superficiels, des gens qui regardent les choses sur la surface seulement, ils n'ont pas de réflexion. Ce sont des gens qui ont suivi Nour sans penser, sans réfléchir. En ce qui concerne les gens qui ont de la raison selon eux, alors eux, ils ont pris leur temps et ils n'ont pas suivi Nour. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, même aujourd'hui. Hein, les gens qui vont suivre la sunna, qui vont suivre le Coran et la sunna, et le manhaj des salaf salih, hein, et la vérité, ils vont dire ça de leur sujet. Et quand quelqu'un est chrétien qui devient musulman, hein, ou quand quelqu'un était juif qui devient musulman, ou quand quelqu'un était athée et devient musulman, ils le regardent, ils disent, hein, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu un petit livre là, sur l'islam, où il a fait des trucs sur internet, il est rentré dans l'islam, il a vu des choses écrites sur internet sur l'islam, il a accepté l'islam, il est allé se convertir. Ah, celui-là il s'est laissé influencer. Ah, celui-là il s'est fait laver le cerveau. Ah, celui-là il est rentré dans une secte. Ah, celui-là il est, hein, ainsi de suite. Donc ça c'est pour montrer, Annie, comment ces gens-là essaient toujours d'accuser les gens qui suivent la vérité d'être superficiels, d'être faibles d'esprit, hein, de pas avoir beaucoup de réflexion. Mais celui qui contredit la sunna, celui qui contredit le Coran, celui qui suit ses passions, celui qui tombe dans le shirk, celui qui fait le kufr, celui qui fait l'égarement, lui il est intelligent. Lui il réfléchit beaucoup, c'est un philosophe, c'est un penseur, c'est un intellectuel, c'est un docteur, ça c'est correct. Exactement. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle du ilm, il parle des ulama dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle du ilm et des ulama dans la sunna, il parle des gens qui connaissent Allah, des gens qui connaissent sa révélation, des gens qui connaissent ses noms et ses attributs, des gens qui savent comment l'adorer, des gens qui connaissent sa charia, pas des gens qui savent rien, qui savent même pas pourquoi ils sont créés sur la terre, ils savent même pas comment vivre selon la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on vive. C'est des gens ignorants, même s'ils connaissent beaucoup de choses à propos de la dunya, ça c'est pas la vraie science. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Ils savent les choses apparentes de cette vie de la dunya, mais ils sont insouciants au sujet de la vie après la mort. Et il dit à propos de ces gens-là dans le Coran, dans une autre sourate, je pense que c'est sourate Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Lorsque leurs prophètes leur sont arrivés avec les bayinat, avec les preuves évidentes et claires, ils se sont réjouis, ils ont dit non, nous on est satisfaits avec la science qu'on possède. On connaît l'astronomie, on connaît la géologie, la géographie, l'ingénierie. Malgré que c'est pas mal de connaître ces choses-là, c'est des choses de bien. Mais quand quelqu'un, il s'enfle d'orgueil parce qu'il connaît ces choses-là et qu'il dénigre la science qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous sauve au jour de la résurrection, il regarde cette science-là comme si c'était quelque chose d'insignifiant, il la méprise, il la rabaisse, alors que c'est elle qui la vraie science, là il y a un problème. Là il y a un problème, c'est ça l'attitude des koufars. Il y en a parmi les musulmans aujourd'hui, à l'heure actuelle, malheureusement, ils ont dénigré la science de l'islam et ils pensent que si les koufars ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire dans le monde actuellement, c'est à cause de leur connaissance de la dunya, et donc ils courent derrière cette science de la dunya et ils laissent en arrière de leur dos la science de l'islam et d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'origine et la source de notre force et de notre fierté et de notre puissance, ça vient uniquement de la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion et non d'autre chose. Parce que si quelqu'un il sait tout ce que tu peux savoir dans les sciences de la dunya, mais tu connais pas Allah subhanahu wa ta'ala et tu connais pas sa religion, cette science que tu apprends de la dunya, elle va devenir un mal pour toi. Et elle va se retourner contre toi. Et tu vas pas l'utiliser dans des choses qui sont bénéfiques pour toi, tu vas l'utiliser dans des choses qui sont nuisibles pour toi, comme c'est le cas actuellement chez les koufars qui sont en train de se détruire eux-mêmes avec ces sciences qu'ils ont découvertes, et qui sont en train de corrompre et polluer et détruire tout ce qui est autour d'eux. Et là maintenant ils sont en train de crier parce qu'ils disent qu'il y a des problèmes dans la nature maintenant, il y a des dérèglements dans l'écologie et dans toutes sortes de choses de l'univers, parce qu'ils ont bousillé tout ce qui se passe autour d'eux, ils ont tout détruit. Maintenant ils commencent à crier, les écologistes, ils disent ah mais non, on a détruit la terre, on est en train de détruire les animaux, on est en train de détruire tout. C'est parce que vous n'avez pas respecté les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'exemple, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc ensuite de ça, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il passe maintenant à deux autres points, As-Sittoun ou Al-Hadiyat ou As-Sittoun, le point numéro 60 et 61. Iftira'u al-kazib ala Allah wa al-takzibu bil-haqq. C'est-à-dire qu'ils inventent des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils traitent la vérité de mensonge. Le cheikh, il dit, iftira'u al-kazib ala Allah wa al-takzib bil-haqq. افتراء الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالحق من طريقة أهل الجاهلية مثل ما قالوا لما كانوا يطوفون بالبيت عراة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وهذا من الكذب على الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Donc le cheikh il dit que d'inventer des mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre son messager sallallahu alayhi wa sallam et de traiter la vérité de mensonge, ça fait partie des voies des gens de la jahiliya. Comme par exemple les mouchékines lorsqu'ils disaient en faisant le tawaf, ils tournaient autour de la Kaaba sans vêtements, tout nus, hein, ils allaient nus autour de la Kaaba et faisaient leur tawaf, imaginez. Et quand on leur demandait pourquoi vous faites ça, ils disaient quoi? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 28 dans Surat Al-A'raf, on a trouvé nos ancêtres qui faisaient ça, et Allah nous a ordonné de le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis par la suite. Et ça c'est un mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien le verset 21 dans Surat Al-An'am, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala ?» Et dans le verset 78 dans Surat Al-Imran, ils disent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala des choses mensongères alors qu'ils savent. Hein? Ils disent des mensonges à propos d'Allah alors qu'ils savent que c'est des mensonges. C'est grave. Hein? Imaginez quelqu'un qui est vraiment sincère et qui veut vraiment suivre la vérité et qu'il te demande qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et que toi tu sais la vérité mais tu lui dis le contraire et que tu le mets dans la voie de l'égarement avec science. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus injuste que ça? Tu lui mens pas à propos de je sais pas moi, à propos de la météo ou à propos d'une information, par exemple, est-ce qu'il pleut dehors, tu lui dis non, il pleut pas, puis il pleut, ou des choses comme ça. Ça, c'est pas correct, c'est grave, hein, de mentir. Mais quand tu mens à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos de sa parole, à propos de ses ordres, à propos de ses interdictions, ça c'est encore plus grave, parce que tu l'amènes, tu peux amener cette personne-là à l'enfer. Et tu ne peux pas savoir les conséquences que ce mensonge-là peut avoir sur ces personnes-là par la suite, parce qu'un mensonge amène un autre, et un autre, et un autre, et un autre, jusqu'à ce que ça devienne des religions, des garments par la suite. Combien de religions aujourd'hui qui existent, des sectes ou des groupes ou des religions qui existent, qui à la base sont établies sur un petit mensonge qui est devenu un gros mensonge par la suite, hein? Quand on regarde le christianisme, la religion catholique, toutes les sectes de ces religions-là, tout ça c'est basé sur des mensonges, il n'y a rien de vrai là-dessus, hein, parce qu'ils ont menti sur Isa alayhi salam, et ils ont menti sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Injil, et ils ont menti sur plein d'autres choses comme ça, et c'est devenu, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui, des fausses religions, des religions qui appellent les hommes au shirk et à l'égarement, hein, tout ça c'est commencé par des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose parmi les groupes d'égarement qui disent musulmans, parmi les sectes, hein, al-Soufiya, al-Shi'a, al-Rafida, hein, et al-Khawarij, et toutes ces autres sectes, elles sont toutes commencées par des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et à propos du messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc le cheikh il dit, ensuite il mentionne d'autres versets, il dit le verset 105 dans Surat al-Nahl, que ceux qui inventent des mensonges à propos d'Allah, hein, ceux qui inventent des mensonges, ce sont uniquement ceux qui ne croient pas en les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, ce sont les menteurs. Et il mentionne le verset 116 dans Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ne dites pas, hein, avec vos langues, des mensonges en attribuant, hein, des mensonges avec vos langues, vous dites, ça c'est halal et ça c'est haram, pour inventer un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Quand tu dis à propos de quelque chose, ça c'est halal, alors qu'en réalité c'est haram. Ou bien tu dis à propos de quelque chose, ça c'est haram, alors qu'en réalité ça c'est halal. Tu es en train d'inventer un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Même si ton intention, toi tu dis, mais non je ne veux pas mentir. Mais tu es en train de mentir. Hein? Et donc, tu inventes un mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit juste après, et ceux qui inventent un mensonge contre Allah ne vont pas avoir le succès. La yuflihun. Donc, le Cheikh dit, wa kadhalika alladhina yaftaruna al-kadhib ala al-rasuli sallallahu alayhi wa sallam, أنه جاء عنه كذا من الأحاديث وهي كذب والذي يحدث بهذا من غير موثق ومن غير تثبت يكون أحد الكاذبين ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. Le cheikh il dit que, de la même manière, celui qui invente un mensonge à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, il rapporte quelque chose et il dit que ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, alors que c'est un mensonge. Le cheikh il dit, donc celui qui transporte ou qui mentionne ce genre de parole, alors que ce n'est pas vérifié, alors que ce n'est pas quelque chose qu'il a vérifié, ce n'est pas quelque chose qui est authentique, qui est fiable, alors il fait partie des menteurs, il fait partie des menteurs. Si tu rapportes une parole et tu l'attribues au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans vérifier correctement, à savoir est-ce que c'est réellement une parole authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou non, dans ce cas-là, si tu as rapporté quelque chose qui n'est pas correct, tu seras considéré comme un des menteurs, comme une des personnes qui a menti à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, celui qui dit quelque chose sur moi, alors qu'il voit que c'est un mensonge, alors il fait partie des menteurs. Il est un des menteurs qui ont transmis ce mensonge. Ça, c'est rapporté par l'imam muslim. Donc, ça c'est pour dire, le cheikh dit, « وَهَذَا مِنْ شِرْفَةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُمْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ حيث زعموا أن الله أمرهم بكشف العورة في الطواف وحرموا ما أحل الله وزعموا أن الله شرع لهم هذا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولو شاء الله ما أشركنا لو شاء الرحمن ما عبدناهم هذا كله كذب على الله سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا أرسل الرسل إنكار ما هم عليه. Le cheikh il dit également que tout ce qu'on vient de mentionner, tout ça, les mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et à propos du messager sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des méthodes ou de l'art des gens de la jahiliya. Ils étaient des maîtres dans ce genre de choses là, c'est-à-dire d'inventer des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, du fait qu'ils imaginaient ou ils pensaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'était lui qui avait ordonné par exemple de se découvrir leur nudité lorsqu'ils faisaient le tawaf. Ils ont accusé Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir ordonné ce genre de choses. Et lorsqu'ils rendaient haram ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait rendu halal, hein, certains animaux, hein, il les rendait haram. On n'a plus le droit de manger cet animal-là, il est réservé à telle idole. Parce qu'il a enfanté tel nombre de femelles, tel nombre de mâles, donc à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de monter dessus, et puis il est dévoué, ou cet animal-là, elle est réservée à telle idole. Hein? Et tout ce qui sort de cet animal, tout ce qui est enfanté par cet animal, il appartient à cette idole, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des exemples de choses qu'ils ont rendues haram alors qu'elles étaient halal. Hein? Et ils ont cru que, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala avait légiféré pour eux ce qu'ils faisaient. Comme par exemple quand ils prétendaient, comme on a mentionné dans les cours précédents, hein, ils prétendaient que le shirk qu'ils faisaient c'était quelque chose que Allah avait accepté puisque Allah subhanahu wa ta'ala leur laissait faire ces formes de shirk là. Hein? Et ils disent par exemple, si, yani, ceux qui ont fait le shirk, ils disent si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait de shirk, hein, on n'aurait rien à adorer en dehors de lui, ou on n'aurait pas fait de shirk, ou on n'aurait pas adoré ses idoles. Donc, ils essaient d'attribuer ce qu'ils font à Allah subhanahu wa ta'ala en disant ce qu'on fait, on le fait parce que Allah, il a voulu qu'on le fasse. si Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas, on ne l'aurait pas fait. Et donc, ils essaient de se justifier en utilisant l'irad al-kawniya ou al-mashi'a. Alors qu'on sait très bien que c'est faux et que c'est un mensonge qu'ils disent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la preuve que c'est faux, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers les uns après les autres pour interdire l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait descendre des livres dans lesquels il y a l'interdiction de commettre le shirk et l'interdiction d'adorer des idoles ou d'adorer quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment vous pouvez essayer de justifier ce que vous faites par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala vous a permis, a fait en sorte que vous le faisiez, cette chose-là. Le fait que vous le faites, ça veut dire que c'est permis. Ça, c'est complètement absurde, puisque, alhamdulillah, la révélation, elle est claire à ce sujet-là, que le shirk, il n'est pas permis. Donc, le shirk, il résume tout ça en disant, « فالحاصل أن نسبة الكذب إلى الله ورسوله هو من أمور الجاهلية فعلى المسلم أن يحذر من هذا الفعل من هذا العمل الخبيث ولا يكذب هو على الله ولكن يتحرى في نقل الأمور عن الله وعن رسوله والفتاوى لا يتحرى فيها فإذا كان ما نقله خطأ وهو لم يتثبت فيه ونشره على الناس فإنه يصير أحد الكاذبين ويصير قد ضر الناس بهذا الشيء الذي نقله لهم ونشره بينهم. Et ça, ce que le cheikh il dit ici, c'est très important. Il dit donc d'attribuer des mensonges à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des choses que les gens de la jahiliya faisaient. Et donc le musulman, il doit faire très attention à ça. Il doit faire très attention à ce genre de choses, parce que ça fait partie des actions qui sont très sales, très laides, Et donc, des fois, il dit, tu vas pas mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu fais pas attention dans la façon de transmettre les choses qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Donc par exemple, quelqu'un va transmettre une fatwa d'un savant, mais il ne va pas faire attention à savoir est-ce que cette fatwa elle est correcte ou non. Et il y a des gens qui ont cette idée-là aujourd'hui, que depuis que c'est une fatwa, ça veut dire qu'on peut l'utiliser et que c'est bon. Mais il y a des fatwas qui sont bonnes et qui sont vraies, et il y a des fatwas qui sont mauvaises et qui sont fausses. Donc, le fait qu'un savant ait dit quelque chose ou qu'il ait émis une fatwa, ça ne veut pas nécessairement dire que cette fatwa-là, on doit l'accepter et qu'on doit la diffuser et la propager à tout le monde. Donc le cheikh il dit, il y a des gens, ils diffusent des fatwas et des verdicts religieux de la part de certains savants, et ce sont des fatwas qui sont incorrects, qui sont erronées, qui sont fausses. Et eux, ils ne sont pas vérifiés à savoir est-ce que cette fatwa elle est correcte ou non, et qu'est-ce qu'ils font, ils la diffusent. Et en particulier à l'époque actuelle, étant donné qu'on a les moyens de diffuser des informations à un très grand nombre de personnes de manière très rapide avec l'internet, tu peux envoyer un message à 100 personnes en quelques secondes, il va arriver à tout le monde. Donc le cheikh il dit ça, et en même temps c'est pour nous faire comprendre que on doit faire attention à qu'est-ce qu'on diffuse et qu'est-ce qu'on propage. Combien de messages j'ai reçus moi-même dans ma boîte mail, de la part des gens que je connais même pas parfois, qui sont envoyés à des listes interminables de destinataires, et ce sont des histoires fausses, complètement fausses, ou bien parfois juste des racontages, des ragots, des gens qui envoient n'importe quoi, et puis après ils diffusent ça à des messages de masse comme ils disent. Des messages qui sont envoyés à des centaines et des centaines de personnes. Et des fois, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais des choses qui ne sont pas bénéfiques. Et que si tu prends le temps que tu prends à lire ces bêtises, des voix, c'est des choses que tu aurais pu, du temps que tu aurais pu utiliser à lire des choses beaucoup plus bénéfiques, et à comprendre des choses beaucoup plus importantes dans ta religion que ces choses, insignifiantes. Donc, ça, c'est des exemples. Et donc, en ce qui concerne les fatwas, c'est la même chose. que lorsque tu parles à propos d'Allah et de son messager, parce que tu envoies une fatwa, c'est un verdict religieux, c'est un rapport avec l'islam. Vérifie ce que tu transmets, vérifie ce que tu propages, à savoir que cette information-là, elle est vraie et qu'elle est correcte, hein, et qu'elle ne va pas causer plus de tort aux gens, hein, que le bien que tu veux transmettre. Parce que ça aussi, ça fait partie de la sagesse et c'est important donc de faire attention. Le cheikh dit ensuite, « والواجب أن الحديث الموضوع والمكذوب لا تروج ولا تروى بل تحاصر وتضايق وأن الوعاظ والدعاة يتثبتون فيما يقولونه أو فيما يقولون عن الله ورسوله وكذلك في أمور الحلال والحرام والفتوى عليهم أن يتثبتوا في شأنها وأن لا يتعجلوا فيها لأن الخطأ فيها قول على الله بغير علم وكذلك التكذيب بالحق الثابت عن الله ورسوله لا يقل في الجريمة عن الكذب على الله ورسوله لا يقل في الجريمة عن الكذب على الله ورسوله كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وذلك أنه إذا لم يوافق هواه حاول رده بالتكذيب والتشكيك فيه كفعل أهل الأهواء. Donc le cheikh dit l'obligation, c'est qu'on ne diffuse pas du tout des hadiths qui sont mensongers ou des hadiths fabriqués. On ne doit pas les diffuser, on ne doit pas les envoyer, on ne doit pas les propager aux gens, on ne doit pas même les mentionner aux gens. Si tu sais qu'un hadith il est fabriqué et qu'il est faux et qu'il est mensonger, que ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne la diffuse pas aux gens, hein? Ne la diffuse pas, tu dois la limiter, hein? C'est comme par exemple c'est comme un virus, hein? C'est comme quelque chose qui est, comme par exemple quand quelqu'un par exemple il est contaminé, hein, quelque chose qui est contaminé, qu'est-ce que tu fais? Tu l'isoles, tu le mets en quarantaine. Et ben c'est comme ça que tu dois faire avec les hadiths fabriqués et les choses fausses. Tu essaies de limiter ces choses-là pour faire en sorte que le moins possible de personnes soient mises en présence ou affectées par ces choses contaminées-là, hein. Et donc, tu essaies de les limiter. Et donc, les gens qui font des exhortations, les du'ats, les gens qui font de la da'wah, ils doivent vérifier dans ce qu'ils transmettent de la parole d'Allah ou de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et également dans les questions qui ont rapport avec le halal et le haram et au sujet des fatawa, la même chose. Ils doivent faire des vérifications, ils doivent vérifier et être certains de ce qu'ils disent lorsqu'ils transmettent quelque chose, lorsqu'ils diffusent quelque chose. C'est pas juste de dire « Ah, ça y est, on a trouvé une parole, tel cheikh il a dit, et là tu le dis. » Peut-être que cette parole que tu lis, que tu as lue, c'est même pas réellement la parole de ce cheikh. Peut-être quelqu'un l'a écrit, il a écrit le nom du cheikh, il l'a diffusé. Il faut vérifier que c'est réellement la parole du cheikh. Et non seulement ça, peut-être que le cheikh il est revenu sur cette fatwa. Vérifie, hein. Ou peut-être que c'est une fatwa qui date de 20 ans. Et qu'elle s'appliquait à un contexte spécifique. Et aujourd'hui, toi, tu veux l'appliquer à un autre contexte aujourd'hui qui n'est même pas le même. Donc, il y a des gens comme ça qui jouent avec les fatwas des ulama. Donc, vérifie les choses. Et ne te précipite pas. Hein, parce que de faire une erreur dans ce genre de choses-là, ça fait partie de dire des choses fausses à propos d'Allah. Ou de parler à propos d'Allah sans science. Et de même que également, wa alaykum salam wa rahmatullah, de même également que de traiter le mensonge, la vérité qui est établie et confirmée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32 dans Surah Az-Zumar. Et qui est plus injuste que celui qui ment à propos d'Allah ou qui traite la vérité de mensonge lorsqu'elle lui est venue? Hein? La vérité, quelqu'un te l'amène et toi tu la traites de mensonge alors que tu sais que c'est la vérité. Hein? Alors, ça c'est lorsque quelqu'un il trouve quelque chose qui n'est pas en accord avec sa passion. Il essaie de la traiter de mensonge ou bien de mettre des doutes, hein, de mettre des doutes au sujet de cette parole ou de cette information alors que cette information-là, elle est vraie, comme le font les gens de la passion. Donc ça c'est également très dangereux. Hein. Donc je pense qu'on va s'arrêter maintenant. Hein. Puisque la période du Azan approche. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui ici à ce point, puis on continuera Inch'Allah au prochain cours, bi'ithnillah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.